Radio Campus. Il est 12h. Elle a 40 ans la mère, à peine 15 ans la fille, laquelle est la plus pubère. Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur Radio Campus, 106,6 MHz, et sur campuslille.com, et sur DAB+, et vous écoutez Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Association altermondialiste d'éducation populaire, s'il vous plaît. Pour vous servir autour de la table, un nouveau venu, deux nouveaux venus d'ailleurs, Eric de Roubaix et Laurent qui sera en auditeur libre s'il veut, de Roubaix également, de fin connaisseur de la ville, c'est pour ça qu'ils sont là tous les deux, parce que nous allons parler de Roubaix. Et les classiques, donc Didier le nouvelliste, Ludovic au look gramscien, René la science et Christian qui, en l'absence de Florent, atteint du Covid, le malheureux tient les manettes, et c'est une première, et je suis pas très très à l'aise. Bon, nous allons parler de Roubaix, en effet. Roubaix, parce que nous, à Intac, nous militons depuis plusieurs années dans cette ville pour la gratuité des transports. Et nous ne sommes pas les seuls, avec le comité de quartier du Cul-de-Four d'abord, et puis depuis deux ans avec le comité de quartier Moulin-Poténerie. Il y a juste un an, d'ailleurs, en décembre, nous avons reçu ici, dans ce studio, Luc Defieff et Malika Zouine pour parler effectivement de la gratuité des transports et des problèmes que ça a posé avec Ilévia à un moment. Luc Defieff étant président donc du comité de quartier. En 2019, nous avons reçu deux autrices du collectif Rosa Bonheur pour le livre « La ville vue d'en bas ». Il s'agissait bien sûr de Roubaix, la ville en question, aux éditions Amsterdam, et c'est à lire absolument pour qui veut connaître un peu Roubaix. Bref, tout ce qui a trait à cette ville populaire nous concerne. Et aujourd'hui, avec notre invité, nous allons découvrir un autre aspect de la ville, comment votent ou pas les Roubaisiens et les Roubaisiennes. Et notre invité du jour, c'est Tristan Haute, qui connaît bien ce studio pour y avoir produit une émission sur l'animation syndicale, et pas que, puisque dans le monde politique et syndical de la métropole, tout le monde te connaît plus ou moins. Bonjour Tristan. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Très bien. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es maître de conférence à l'Université de Lille. Tu as participé avec le groupe People 2002 à l'analyse du résultat des présidentielles de cette année, à partir d'une très grosse enquête sortie des urnes, et ça va être ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Bien, voici la présentation. Tu vas nous présenter tout ça. Et la première question, c'est Ludovic qui va la poser. Oui, alors avant d'aborder les résultats de l'enquête proprement dit, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la problématique, enfin, qu'est-ce qui a présidé en fait au fait d'une part de choisir Roubaix et d'autre part de choisir la méthode quantitative, puisque apparemment vous avez fait le choix du quantitatif, donc vous passez par un questionnaire. Voilà, l'idée c'est qu'on était une bande de chercheurs en sciences politiques principalement, des établissements lillois, à se dire, mais en fait. On oppose soit l'analyse électorale à partir de grands sondages nationaux. Alors nous, dans la bande, on était plutôt des quantitativistes, donc on aimait bien ça, mais on voyait les énormes limites de ce type de données. Et puis, on avait des collègues qui privilégient plutôt des matériaux qualitatifs, hein, ça va être des entretiens, des observations, des entretiens répétés avec des électeurs. Il y a des collègues qui ont sorti un bel ouvrage, c'est qu'elle votait par temps de crise avec des portraits d'électeurs sur le long cours, qui sont très bien. Et on s'est dit, mais en fait, on aimerait renforcer le dialogue entre ces approches et voir si, localement, on peut remener, en fait, parce que ça avait déjà été le cas, des grandes enquêtes quantitatives, mais localisées, qui permettent de tenir compte de la spécificité d'un territoire. Et en cela, on a été... alors nous, on avait ce projet en 2020, en fait, au municipal à Lille, sauf qu'est arrivé un truc qui s'appelait le Covid. L'enquête a été annulée la veille du premier tour à 21h. Et on s'est dit, la présidentielle, on va s'y lancer. Et donc c'est ça. Et puis il y a un autre ouvrage qui est un peu la même, qui reprend un peu la même logique. Alors on se connaissait pas à l'époque, mais maintenant on a fait connaissance. C'est les auteurs du collectif Focal qui ont publié un ouvrage qui s'appelle Vote populaire, qui eux ont mené une enquête un peu similaire à la nôtre en 2017 à Méricourt dans le Pas-de-Calais et à Villeneuve-Saint-Georges en banlieue parisienne. Donc on s'est dit, voilà, on a l'idée de lancer une analyse quantitative des votes dans une ville de la métropole. Initialement, ça devait être Lille pour des raisons de lien avec les institutions municipales, ça s'est pas fait. Ça s'est finalement fait à Roubaix parce que c'était une grande ville qui était aussi accessible en transport en commun et où on avait présenté le projet, on avait eu un accueil plutôt favorable. Donc voilà l'idée. Et derrière, la problématique, c'est lié finalement les caractéristiques sociales des électeurs et leur vote, puisque souvent on entend, alors dans le champ scientifique et puis pas mal dans le champ médiatique, que le vote finalement serait pas du tout ou plus du tout dépendant des appartenances sociales, avec cette idée notamment de réduire cette question au vote ouvrier pour la gauche, hein. Et nous, l'idée, c'était de montrer le contraire et de montrer qu'une analyse un peu plus fine apportait des résultats beaucoup plus intéressants. Ok, ça c'était pour la problématique. Maintenant, on va peut-être passer à l'autre aspect. À la méthode, oui, s'il te plaît. Alors la méthode, du coup, nous, l'enquête, c'est une enquête, ce qu'on appelle à la sortie des bureaux de vote. Donc on se met à la sortie des bureaux de vote. Donc on était 11 chercheurs et une centaine d'étudiants. Donc c'est énorme en termes de logistique. À la sortie de, en tout, 35 bureaux de vote roubaisiens. Hein, 23 au premier tour, 14 au second. Il y en a deux qui ont été enquêtés aux deux tours. C'est lié à une erreur logistique. Et on faisait passer des questionnaires à un électeur sur cinq qui sortait du bureau de vote. Donc il y a des électeurs qui refusaient de répondre, évidemment. Mais on arrive à un taux de refus assez faible, y compris à un taux, quand les enquêtés remplissent les questionnaires, assez faible de gens qui refusent de déclarer leur vote. C'est un peu moins de 6% au premier tour et un peu moins de 4% au second tour. On sait que c'est une question sensible, donc on fournissait la garantie d'anonymat complète aux électeurs, et puis il y avait une garantie institutionnelle, hein. On est une équipe de recherche, on a une labellisation du CNRS, etc. Ce type d'enquête, il est intéressant parce que ça permet de capter des électeurs qu'on capte pas à partir des sondages nationaux ou même des sondages un peu régionaux qui peuvent être menés. Par contre, c'est un énorme défaut, c'est qu'on n'a pas les abstentionnistes. Donc on peut dire des choses finalement de la population qui va voter, mais on peut pas dire des choses à partir de cette enquête de la population qui ne va pas voter. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on croise cette analyse avec une analyse, nous, à l'échelle des bureaux de vote. On arrive à avoir à chaque fois le profil électoral d'un bureau, hein, combien il y a d'abstention, combien il y a de vote pour tel ou tel candidat, et puis le profil social aussi des bureaux de vote, qui est assez accessible via les données du recensement. Donc c'est un peu comme ça qu'on procède pour s'intéresser à l'abstention. Évidemment, la meilleure méthode, ce serait sans doute de faire une enquête postale ou une enquête un peu porte-à-porte, mais les tentatives qui ont été faites par des collègues dans d'autres villes sont assez... sont pas si enthousiasmantes que ça en termes de fiabilité de la méthodologie. Entendu, on peut passer peut-être à d'autres questions. Merci en tout cas pour ces détails qui sont toujours utiles quand on se pose des questions sur ces questionnaires de sortie des urnes, QSU, comme on dit chez vous. Ouais. une première question peut-être sur d'Éric, sur le territoire de Roubaix. Comment le qualifierait-on ? Alors. Effectivement, la situation de Roubaix, c'est quand même un cas particulier, en ce qu'elle concentre effectivement les plus grandes inégalités. Donc on dit d'elle que c'est la ville la plus pauvre de France. Qu'en même temps, c'est sûrement la ville qui a reçu le plus de subventions publiques depuis 30 ans. C'est d'ailleurs l'occasion d'une présence en continu maintenant d'une sous-préfète pour réguler justement ces financements. C'est une ville effectivement qui concentre à la fois les problèmes, donc à niveau d'éducation, au niveau scolaire, qui est le plus bas effectivement de la région. Donc là, les dernières statistiques l'ont encore montré. Mais c'est aussi donc une ville qui, d'une certaine manière, avec tous ces problèmes, concentre aussi les paradoxes et les contradictions de la société française. Donc effectivement, des politiques d'intégration, d'immigration non contrôlées, le fait d'être à la fois un ghetto social et puis d'avoir une politique d'attractivité des classes moyennes. Donc tout ça montre des contradictions, des paradoxes, des problèmes. Donc on a quand même une situation d'un territoire qui est particulier. Donc par rapport à l'offre politique, est-ce qu'il y a une correspondance dans cette particularité et le vote, effectivement, sorti des urnes, qu'on peut constater? Est-ce qu'il y a des évolutions, justement, de cette ville en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui? Alors oui, on le voit notamment quand on regarde les résultats à l'échelle de la ville, hein, parce que c'est une ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle et où Emmanuel Macron a largement dominé Marine Le Pen au second tour. Donc on voit qu'il y a quand même un vote original. On voit quand on regarde le territoire de la ville, on retrouve aussi les inégalités, alors que ce soit en termes de participation. C'est-à-dire qu'il y a les quartiers populaires de Roubaix, donc la majorité du territoire s'abstient énormément, mais on voit qu'il y a des bureaux qui sont très participants et qui électoralement se singularisent par un résultat très important d'Emmanuel Macron et par un vote aussi, un vote Pécresse, un vote Zemmour un peu plus important. Je fais évidemment allusion aux quelques bureaux de vote du sud-ouest de la ville, même un peu du sud d'ailleurs, pas que du sud-ouest, autour du parc Barbieux et dans une moindre mesure le nouveau Roubaix. Donc on voit des inégalités à l'échelle du territoire et on voit aussi quand on regarde entre 2017 et 2022 que les mouvements électoraux n'ont pas exactement été les mêmes à Roubaix et dans le reste du pays, hein, selon ce que nous disent les enquêtes nationales, parce que par exemple à Roubaix on a observé alors une stabilité notamment des électeurs Le Pen et Mélenchon qui reconduisent leur vote, hein, et notamment, par contre, on a observé un mouvement assez massif d'électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui se sont reportés sur Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être la singularité de cette ville, qui est aussi, au-delà des spécificités sociales qui ont été rappelées, un ancien bastion socialiste. Et l'hypothèse qu'on peut faire, alors à la va-vite et à mettre à l'épreuve, évidemment, à partir d'autres matériaux, parce que les questionnaires, pour saisir la mémoire du vote, c'est toujours très mauvais... L'idée que des électeurs socialistes, finalement assez traditionnels, qui votaient historiquement pour le Parti Socialiste, qui s'étaient tournés pour une partie d'entre eux vers Emmanuel Macron en 2017, une autre partie s'était déjà tournée vers Jean-Luc Mélenchon, et bien ces électeurs, ils se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon en 2022 dans une proportion beaucoup plus importante. Donc c'est peut-être là une spécificité du territoire roubaisien, avec parmi ces électeurs, y compris des électeurs populaires, hein, mais aussi des électeurs qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures. C'est-à-dire que même à Roubaix, Jean-Luc Mélenchon, il a un électorat qui est assez diversifié. Une question de Didier. Une question, est-ce qu'on pourrait justement, donc à la lumière de tout ce que tu viens de dire, donc établir vraiment des spécificités entre, bon, compte tenu de l'historique politique de la ville, bon, Roubaix qui était quand même un bastion de la SFIO, enfin de Provo, la vieille SFIO, et une ville comme Tourcoing, par exemple, qui a quand même toujours été plus ou moins marquée à droite. Ce qu'on peut se demander, c'est s'il n'y a pas une différence, des différences sociologiques entre les habitants des deux villes, et aussi des différences d'histoire, notamment en termes, je pense, d'abord d'histoire industrielle et après d'histoire migratoire entre les deux villes qui ne sont pas exactement les mêmes, avec, par exemple, on l'a vu, une extrême droite qui s'est implantée très tôt, en fait, à Roubaix et à Tourcoing, et qui aujourd'hui à Roubaix électoralement, et notamment lors des élections présidentielles, donc quand la participation est la plus importante, se trouve quand même beaucoup plus marginalisée qu'à Tourcoing, où non seulement elle est plus forte, et en plus elle est, je dirais, sans doute cible de plus d'intérêt des élus locaux. Notamment, on avait vu que son score avait fortement décliné entre les deux tours des municipales en 2014, quand Gérald Darmanin avait conquis la ville. Donc il y a sans doute voilà, mais en fait nous on aimerait bien reproduire ce qu'on a fait à Roubaix, on aimerait bien le reproduire dans d'autres territoires, et notamment Tourcoing, c'est une ville intéressante parce que Roubaix, et c'était rappelé en début d'émission, c'est une ville qui a été fortement investiguée hein, par les sciences sociales, les collègues du collectif Rosa Bonheur, il y a eu pas mal des historiens aussi, que ce soit de l'industrie ou des luttes sociales, qui se sont intéressés à Roubaix. Mais finalement, Tourcoing, en fait, on a beaucoup moins de matériaux, et souvent on parle d'un contraste entre les deux, mais on n'a pas grand-chose sur Tourcoing, en fait. Ce sera le prochain bastion, là. À étudier. Non, mais c'est vrai qu'à Tourcoing, effectivement, par rapport à Roubaix, il y a plus de propriétaires de logements, par exemple. Ouais. Et il y a un niveau de vie, de revenus moyens un peu supérieur, quand même. Et par exemple, on a des quartiers à Roubaix, je pense au nord, alors je vais dire des bêtises parce que je suis mauvais en géographie roubaisienne, alors que j'y suis né, mais au nord-est de la ville, donc tous les quartiers qui vont toucher un peu l'air sont plutôt Fresnoy-Macquellerie. Qui concentre une part beaucoup plus importante de propriétaires, où le niveau de vie est un peu plus élevé. On reste sur des niveaux de vie qui sont relativement faibles, hein, mais où les votes sont très différents, et il y a une partition beaucoup plus importante entre Le Pen et Mélenchon, par exemple, au premier tour, entre Le Pen, Macron et Mélenchon au premier tour, avec aussi des électeurs qui sont sans doute un peu plus âgés. Et c'est peut-être à ça aussi que ressemble un peu plus Tourcoing, avec Tourcoing des spécificités électorales qu'il ne faut pas exagérer non plus. Par exemple, alors si je ne me trompe pas, au second tour des législatives, Gérald Darmanin, il est battu sur la ville de Tourcoing. C'est-à-dire qu'il gagne le reste de sa circonscription, mais sur la ville de Tourcoing, il est battu par la candidate de la NUP. Donc il y a aussi, il ne faut pas négliger la persistance d'un vote de gauche fort à Tourcoing, notamment en dehors des scrutins locaux, qui, et c'est ce qu'on a montré à Roubaix avec d'autres collègues, comme ils mobilisent peu, en fait, derrière l'idée de faible mobilisation électorale lors des élections municipales, par exemple, c'est aussi une faible mobilisation des classes populaires, d'autant plus importante, ce qui explique notamment la majorité confortable, par exemple, avec laquelle a été réélue l'équipe municipale sortante en 2020 à Roubaix, une équipe municipale d'hiver droite, on va dire. Mais à Tourcoing, il y a quand même eu pendant 19 ans quelqu'un comme Jean-Pierre Belduic, sans parler de Guy Châtillier auparavant. Donc c'est quand même un constat à nuancer. Quoi. Oui, et puis puisque Eric soulevait, comme on peut le faire régulièrement, le taux de pauvreté dans les deux villes, Tourcoing c'est 28% et puis Roubaix c'est 43%. Quoi, hein, c'est assez marquant. Alors, Oui, avec aussi sûrement une instabilité plus grande côté roubaisien en termes de population. C'est-à-dire qu'aussi, alors c'est effectivement cette fonction de ghetto social pour les catégories les plus défavorisées, et avec quand même une mobilité même de ces catégories dès le moment où elles trouvent des solutions plus intéressantes. Donc il y a aussi ce fait qu'il y a moins de stabilité, il me semble aussi en termes justement de population par rapport à Tourcoing. Donc aussi avec la rénovation urbaine qui a été plus forte à Roubaix, des démolitions plus importantes, etc. Il y a le seul quartier de la Bourgogne à Tourcoing qui a été touché, alors que l'ensemble de la ville de Roubaix l'a été. Donc tout ça a amené aussi une forte mobilité, ouais, par rapport au territoire. Oui, tout à fait. Une question peut-être sur, ben tu as dit que c'était compliqué, sur le type d'abstention, est-ce que tu as quand même quelque chose un peu à dire ? On voit des logiques qui sont assez proches de ce qu'on observe au niveau national, c'est-à-dire que plus sur un territoire, alors parce que là on raisonne à l'échelle des bureaux de vote, hein, mais plus sur un territoire, on a une population jeune, faiblement diplômée, confrontée à la précarité de l'emploi ou au chômage, plus l'abstention va être importante, et du coup on pourrait se dire qu'il y a les mêmes... Alors, à voir dans quelle proportion, mais les mêmes logiques d'abstention qu'au niveau national, c'est-à-dire une abstention constante, hein, des gens qui font quasiment ou jamais voter, et qui, par exemple, sont jamais allés voter en 2022, là, aux quatre tours des élections présidentielles législatives. Dans les Hauts-de-France, c'est à peu près 16% de la population, enfin des inscrits sur les listes électorales, auxquels s'ajoutent sans doute les gens qu'on capte pas, hein, les non-inscrits sur les listes électorales, donc, évidemment ceux qui n'ont pas le droit de vote, étant donné les conditions actuelles d'accès au droit de vote, nationalité étrangère, qui ont moins de 18 ans, etc. Alors, excuse-moi, justement, sur les non-inscrits, est-ce que tu as des données un peu sur le... Ben en fait, le truc, c'est que sur les non-inscrits, on a des données à l'échelle régionale grâce aux données de l'INSEE. Donc, on va récupérer là pour 2022 prochainement, j'espère. Donc, on est à peu près à 8% de la population. Hein, c'est à peu près le même niveau qu'au niveau national. En fait, on retrouve cette même logique. Donc, non-inscrits, c'est l'idée, c'est des gens qui devraient être inscrits sur les listes électorales, mais qui n'y sont pas, parce que ça compte pas les gens qui n'ont pas le droit de vote. Ces non-inscrits, c'est quand même des populations plus jeunes parce que l'inscription automatique sur la liste électorale n'a pas toujours été faite, très nettement moins diplômés, qui sont dans des situations d'isolement social et qui sont aussi dans des situations de mobilité résidentielle importante. À ça s'ajoute ce qu'on appelle la mal-inscription. Donc c'est des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, qui d'ailleurs peuvent être inscrits à Roubaix, mais qui n'y habitent plus. Et ça, en fait, on en a beaucoup. Alors, au présidentiel, il y en a quand même une partie qui se déplace. Nous, on en a vu dans les bureaux de vote, en plus des gens qui ne savent plus dans quel bureau de vote ils votent, avec cette fameuse application du ministère de l'Intérieur qui buguait le jour du vote, ce qui fait que nos étudiants se retrouvaient à être à la fois passeurs de questionnaires et chercher les bureaux de vote des gens devant les bureaux de vote. Donc, on a cette mal-inscription qui crée de l'abstention, en particulier aux élections locales. Il y a des collègues qui ont montré que finalement, entre deux présidentielles, il y a un tiers de la population au niveau national qui change de commune. Donc ça veut dire qu'il théoriquement doit changer d'inscription sur les listes électorales. Donc c'est considérable et ça montre à quel point l'idée d'un vote finalement associé à un territoire, elle est sans doute un peu datée, parce que ces mobilités résidentielles sont de plus en plus importantes. Mmh. Et notamment... nous, on était surpris, on avait posé une question sur le vote au municipal dans le questionnaire, et des gens disaient, mais moi, en fait, moi, je viens d'arriver à Roubaix, je n'ai pas voté au municipal ici, parce que je n'étais pas inscrit à Roubaix, mais j'ai voté au municipal dans une autre commune. Voilà, donc, on voyait nous-mêmes que, finalement, notre idée d'une espèce de longévité, même sur 2 ans, c'était 2020, les municipales, ça, c'était pas pertinent pour une grande partie, enfin, pour une grande partie, mais pour un certain nombre d'électeurs. Donc voilà, sur l'abstention un peu qui est liée à une forme de rapport difficile à la procédure électorale, et notamment on va voir que, on va dire, ceux qui sont dans des situations favorisées, prédisposés à voter parce qu'ils sont fortement diplômés, même s'ils sont mal inscrits, s'ils sont non inscrits, ils vont s'inscrire, et s'ils sont mal inscrits, ils vont faire une procuration, alors que les autres, ils vont pas faire de procuration. Il y a des travaux qui ont été menés sur la procuration qui montrent que c'est un outil qui permet de booster la participation, mais qui ne permet pas de réduire les inégalités de participation. C'est pareil pour le vote par correspondance, le vote par Internet, etc. etc. Donc on a ça, mais on a aussi on a l'abstention constante, donc des gens qui sont complètement exclus du système, du jeu politique, du jeu électoral, on va dire. L'abstention hors-jeu, comme on dit. Ouais, l'abstention hors-jeu. Et puis on va avoir des électeurs qui sont des participants intermittents. Et ça, en fait, c'est ce qui est dominant aujourd'hui. Je disais, c'est 16% de la population des Hauts-de-France qui s'abstient de manière constante. Par contre, c'est 47% de la population des Hauts-de-France qui, elle, participe de manière intermittente aux élections de 2022, donc qui éventuellement a voté un, voire deux tours de scrutin, voire éventuellement trois, mais qui n'a pas voté aux 4 tours de scrutin. Et le plus souvent, ces gens, ils ont voté à la présidentielle, mais ils n'ont pas voté aux législatives. Alors, du coup, nous, c'était aussi l'enjeu de faire la présidentielle et les bureaux de vote à Roubaix, parce que c'est quand même là où il y a le plus de monde. Donc, on arrive à récupérer quand même un nombre conséquent de questionnaires, bon, outre le fait que c'était un moment où il y avait encore nos étudiants sur l'île, donc c'était facile de les solliciter. Mais donc voilà, donc c'est l'idée aussi de... Il y a des électeurs intermittents, et ces électeurs intermittents, ils ont un profil spécifique. Ils sont pas forcément moins diplômés que les électeurs constants. En fait, ils sont surtout plus jeunes. C'est ça leur grande spécificité. Et ce que montre un certain nombre de collègues, c'est qu'au-delà de l'exclusion sociale qui caractérise toujours une partie des abstentionnistes, il y a une dynamique sans doute générationnelle, avec un rapport au vote de plus en plus distendu, un vote qui serait considéré comme de moins en moins... comme une norme sociale, et qui serait de plus en plus, finalement, un mode de participation parmi d'autres, pas nécessairement vu comme le plus efficace, notamment quand il s'agit d'élections pour lesquelles les institutions sont peu identifiées, même s'il y a des compétences, elles sont pas forcément perçues par les électeurs. Oui, effectivement, on peut imaginer quand même que les municipales, il y a une différence quand même de participation aux municipales et aux présidentielles. Aux présidentielles. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que les municipales, les personnes participent peu. C'était déjà le cas en fait avant 2020, qui était une année spécifique Covid. Finalement, on a vu en 2021 les régionales et départementales une participation catastrophique, et même les législatives à Roubaix, hein, la participation était beaucoup moins importante qu'à la présidentielle. Alors sans doute que c'était un peu mieux parce qu'il y avait une dynamique de campagne aux législatives qui a fait que dans certains territoires, ça a été un peu mieux que d'habitude. Mais on reste sur une participation qui est très faible aux ce qu'on appelle les élections un peu intermédiaires ou les élections qui ont pour but de ratifier une majorité. Bon, là, en l'occurrence, elles n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron, mais c'était leur objectif initial. Didier ? Oui, sur les questions de travail, emploi, précarité, donc selon Thomas Coutreau, par exemple, et d'autres sociologues du travail, donc il y aurait un rapport évident entre le vote des classes populaires confrontées à des boulots difficiles et ne laissant aucune marge de manœuvre, donc lui, il parle de déficit du pouvoir d'agir, et le vote vers des partis populistes, dont d'extrême droite en particulier, même si ce vote peut aussi concerner à la marge des formations de gauche. Est-ce que votre enquête confirme peu ou prou ce phénomène ? Alors, au niveau local, on le voit un peu, on avait un indicateur sur la précarité de l'emploi, et ça marche assez bien, et notamment, ce qu'on voit à Roubaix, c'est plutôt un vote pour Jean-Luc Mélenchon, mais je vais venir après sur le pourquoi. Et par contre, au niveau national, ce que les enquêtes ont montré en 2022, c'est une confirmation des résultats de Thomas Coutreau, des électeurs qui inscrits, qui sont dans des situations de précarité et qui surtout effectuent un travail répétitif, qui sont aussi moins reconnus dans leur travail par leur employeur ou par leur hiérarchie, en fait, vont moins participer déjà et davantage voter pour l'extrême droite et dans une moindre mesure, là en l'occurrence, pour la gauche, pour Jean-Luc Mélenchon. La segmentation entre vote d'extrême droite, on pourrait se dire, faible autonomie au travail pousse au populisme, populisme de mettre tout dans le même sac, c'est ce qu'aiment bien faire certains auteurs, c'est pas ce que fait d'ailleurs Thomas Coutreau, mais il est plus fin que ça, et en fait ce qu'ont montré notamment les collègues du collectif Focal, hein, qui ont fait vote populaire, et ce qu'on retrouve nous à Roubaix, c'est qu'en fait c'est d'autres segmentations, et notamment l'expérience migratoire, l'expérience des discriminations, mais aussi la génération d'appartenance, qui vont faire que d'une certaine manière cette autonomie au travail va créer chez certains, va favoriser plutôt un vote Le Pen et chez d'autres plutôt un vote Mélenchon. Nous, ce qu'on voit à Roubaix, c'est que les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National, notamment au premier tour, on est plutôt sur le modèle des petits moyens. Donc c'est une expression qui avait été popularisée par des sociologues à la fin des années 2000. Donc des gens qui, à la fois, n'appartiennent pas du tout aux classes supérieures, qui n'appartiennent pas non plus aux fractions les plus populaires des classes populaires, qui sont dans une situation de stabilité qui peut être très relative, hein, qui peut être aussi assez fragile, mais qui témoigne de ce qu'Olivier Schwartz appelle une conscience triangulaire, c'est-à-dire le rejet du E, c'est-à-dire tout en haut, un rejet de ceux qui sont en bas et une affirmation finalement de ceux qui se situent dans une situation intermédiaire, quitte finalement à se voir plus classe moyenne qu'on ne l'est au regard de notre situation financière, par exemple. C'est pas un peu les gilets jaunes dont tu parles, là ? C'est un peu les gilets jaunes, sauf que, c'est un peu l'image qu'on a calquée aussi sur les gilets jaunes, sauf que c'est des gilets jaunes qui correspondent à un profil assez particulier, c'est-à-dire que c'est des gilets jaunes qui, quand même, ont une histoire de participation électorale, c'est-à-dire que c'est des gens qui votent aux élections. C'est vrai que c'est des gens qui se positionnent pas toujours sur l'axe gauche-droite, mais c'est des gens qui sont propriétaires de leur logement, c'est des gens qui sont plutôt âgés, qui sont, on y reviendra, mais qui ont une moindre expérience migratoire aussi, et une moindre expérience des discriminations. Donc c'est sans doute certains profils de gilets jaunes. Il faut peut-être pas homogénéiser les gilets jaunes. Et d'ailleurs, au second tour, on a un électorat FN qui est plus populaire, en fait, ce qui nous a assez surpris. On s'était dit, finalement, il va y avoir des renforts d'électeurs Zemmour et Le Pen, Zemmour et Pécresse au second tour, il y en a, mais on a un électorat plus populaire, et ce qu'on s'est dit, c'est que sans doute il y a des fractions des classes populaires qui se sont remobilisées entre les deux tours à Roubaix pour aller soutenir Marine Le Pen, et c'est pas dû à un transfert Mélenchon-Le Pen comme on pourrait le penser, qui est ultra minoritaire en fait, à Roubaix comme au niveau national. Oui, une question quand même, les travaux du collectif Focal, on les a où ? Dans leur livre qui s'appelle Vote populaire, sorti aux éditions du Croquant. Je vous encourage à lire, c'est vachement bien. D'après ce que tu dis, effectivement, on a intérêt à s'y coller quand même. Et notamment, là, ils ont travaillé sur Méricourt, donc qui est un autre qui est un autre territoire populaire hein, dans le bassin minier, hein, qui est entre la circonscription des Nains-Beaumont, donc celle de Marine Le Pen, et la circonscription de Lens, donc qui a été de mémoire, hein, qui a été reconquise par la gauche. Au municipal et y a un autre collègue là qui a publié une étude sur Lens justement en 2022 dans la revue Métropolitique où on a aussi publié un article sur Roubaix qui montre voilà des résultats convergents avec nous mais aussi divergents notamment sur la question des générations en fait on voit pas du tout la même chose sur le vote des jeunes à Roubaix et le vote des jeunes à Lens. Ouais, Méricourt c'est une ville historiquement communiste ça nous semble. Méricourt c'est une ville historiquement communiste qui l'est encore d'ailleurs. Ouais. Une question de René et ensuite Eric. Oui, justement, à propos des gilets jaunes, on l'avait évoqué au cours d'une émission, ça a eu peu d'écho à Roubaix. Comment pouvez-vous l'expliquer ou... J'ai pas trop d'explications. Nous, l'idée, c'est qu'on a un peu. Moi, je connaissais un peu le territoire sur le plan électoral et politique, mais on a un peu le reste de l'équipe a un peu débarqué au moment de cette présidentielle. Donc, on va essayer de prolonger le terrain. Ça a eu peu d'écho selon les collègues aussi parce qu'il y a eu peut-être au moment des gilets jaunes d'autres luttes qui ont été plus structurantes et nous on avait vu que finalement c'est peut-être des territoires où les mobilisations contre le racisme et les violences policières qui ont lieu un peu une année plus tard en 2020 mais qui avaient déjà commencé un peu plus tôt ont eu aussi un écho plus important et c'est sans doute lié au profil social de la population qui reste une population en fait très jeune Les gilets jaunes, c'est pas un mouvement social qui s'est singularisé par sa jeunesse par rapport à d'autres mouvements qui s'étaient développés parallèlement. Oui, en effet. Bon, je reporte nos auditeurs à l'émission avec Julien Talpin. Pourquoi y a-t-il si peu de gilets jaunes à Roubaix ? Eric ? Oui, dans le questionnaire, vous avez effectivement aussi interrogé sur l'appartenance religieuse. Et il y avait effectivement une distinction qui avait l'air de se présenter entre ceux qui pratiquaient la religion catholique et ceux qui pratiquaient la religion musulmane. La sociologie avait démontré la corrélation assez forte entre pratique religieuse et vote à droite. Il semble que, alors malgré toute l'évolution de la non-pratique catholique, comme les sociologues ont aussi pu l'analyser, bon, il semble qu'il y ait une constante là, qui continue. Par rapport aussi au vote musulman, là on a beaucoup moins effectivement d'études permettant de trouver une corrélation avec l'offre politique. Est-ce que là-dessus il y a des choses à dire ? Ben, en fait, ouais, les études sur pratiques catholiques et vote à droite, ça remonte au milieu des années 70. Quand même, depuis les années 2000, il y avait cette idée, alors en France et puis dans pas mal d'autres pays européens, que les personnes se déclarant de religion musulmane et notamment pratiquant la religion musulmane avaient tendance à plutôt à voter pour la gauche, mais alors plutôt pour la gauche social-démocrate, en fait. Et d'ailleurs, assez peu pour les écologistes qui avaient eu en France et ailleurs une politique d'inclusion de personnes issues de l'immigration dans leur rang, bénéficiaient pas du tout d'un vote des personnes se déclarant de religion musulmane qui avaient plutôt une ascendance migratoire étrangère. Alors, ce qu'on constate quand même depuis 2012, c'est que cette population, elle survote en faveur de Jean-Luc Mélenchon assez massivement. En 2012, elle avait aussi survoté en faveur de François Hollande. Hein. Et en 2022, on retrouve ce phénomène à Roubaix avec, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, deux groupes d'importance quasi égale dans les urnes au premier tour entre les personnes qui se disent catholiques, alors très majoritairement non pratiquantes, et des personnes qui se disent musulmanes. Plutôt moitié-moitié, voire un peu plus pratiquante. Bon, il faut rappeler aussi que l'enquête a eu lieu pendant la présidentielle et c'était pendant le ramadan. Donc, ce qui peut encourager des personnes à se déclarer pratiquantes, tout simplement parce qu'on fait le ramadan. Donc le rapport à la pratique religieuse n'est peut-être pas le même derrière. Et on ne peut pas l'affirmer comme ça, qu'il y a. Ça veut dire la même chose dans les deux groupes. Mais on voit que les personnes qui se disent catholiques, pratiquantes ou non d'ailleurs, ont davantage voté Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et ont beaucoup moins voté Jean-Luc Mélenchon. On voit aussi que les personnes qui se disent musulmanes, notamment pratiquantes, ont davantage voter Mélenchon au premier tour, et au second tour, Macron. D'ailleurs, c'est une population où le vote blanc est nul, qui est plutôt bien représenté dans notre enquête, et pas du tout important, en fait, au second tour. Alors qu'il y a eu un vrai vote Macron, un vrai vote de Front Républicain, on pensait qu'il était mort, bah, en fait, ces populations-là, elles ont massivement voté Macron. Et donc, on voit quand même ces deux spécificités-là, avec sans doute une population de confession musulmane moins présente au second tour, parce que notamment la part d'enquêtés qui se déclarent musulmans dans l'enquête, nous, elle a baissé entre les deux tours. Donc on peut se dire, c'est un effet d'échantillonnage, etc., mais la baisse, elle est quand même assez importante. Donc on pense qu'il y a une partie de cette population qui s'est démobilisée entre les deux tours, ce qui serait assez logique, puisqu'il s'agit de très majoritairement d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les résultats. Après, est-ce que on peut inférer, enfin, est-ce qu'on peut dire, bon, c'est bon, on a démontré une corrélation entre religion et vote, donc il y a vote communautaire. Et là, en fait, c'est le grand désaccord que nous, chercheurs, on a avec un certain nombre de commentateurs politiques qui exploite très rapidement un petit tableau en disant que bah, c'est bon, on a démontré l'existence du vote communautaire. On dira pas lesquels. non, mais l'idée, c'est que derrière, se pose la question de est-ce que ces électeurs qui se déclarent musulmans, bah, ils n'ont pas des caractéristiques sociales particulières, notamment, en fait, assez vite, on se rend compte qu'ils sont plus jeunes, ce qui explique notamment en partie le vote Mélenchon. Ils évoluent aussi dans des situations professionnelles plus précaires, ils vont moins être propriétaires de leur logement, etc., etc. Autant de caractéristiques qui aussi créent, quelle que soit la religion, du vote de gauche. Donc, c'est une partie de la réponse. Une autre partie de la réponse, c'est de dire, mais en fait, on mesure quoi avec la religion? Est-ce qu'on mesure des valeurs spécifiques que la religion nous inculquerait, ou est-ce qu'en fait on mesure chez ces populations une expérience migratoire directe ou indirecte? Nous, on ne pouvait pas l'inclure dans le questionnaire parce que ça prend beaucoup de place, ce type de module de questions un peu détaillé sur l'origine migratoire, et on voulait un questionnaire court pour justement éviter la non-réponse. Il y a d'autres enquêtes qui ont fait le choix d'un questionnaire long et qui ont eu beaucoup plus de problèmes de non-réponse ou de surreprésentation, par exemple, des votes de gauche. Donc expérience migratoire et expérience des discriminations, avec notamment, là je renvoie à l'ouvrage de Julien Talpin, l'épreuve des discriminations, qui est très instructif à ce propos. Et ce qu'ont montré des collègues au niveau national à partir d'une grande enquête qui s'appelle Trajectoire et origine, qui est une enquête de l'Institut National des Études Démographiques, qui interroge un échantillon très important de personnes qui ont une ascendance migratoire. Et en fait, qui pose la question du positionnement politique, pas du vote. Et c'est Patrick Simon et Vincent Tibéry qui, finalement, regardent si ce qui joue, c'est la religion, c'est l'ascendance migratoire particulière, hein, par pays, puisque c'est l'échantillon gros, on peut avoir des effectifs par pays, ou est-ce que c'est l'expérience des discriminations. Et eux, ce qu'ils disent, c'est, en fait, la religion en soi, elle joue peu. Et notamment, la religion musulmane ou pas religion musulmane, ça joue peu. Ce qui va jouer, essentiellement, c'est l'expérience des discriminations. Et dans une moindre mesure, l'ascendance migratoire, avec des trajectoires qui vont plutôt orienter vers tel ou tel positionnement politique. Notamment, ils isolent notamment les personnes qui ont des ascendances plus d'un ensemble de pays d'Asie, qui ont moins un tropisme à gauche que d'autres populations. Donc voilà pour cette question qui est épineuse. Et en fait, l'enquête par questionnaire, c'est sans doute pas le meilleur moyen pour démêler un peu les fils. Et c'est en ça qu'on essaye, avec des collègues, puis d'inciter aussi nos étudiants à aller faire du terrain qualitatif sur Roubaix, et puis même sur la métropole lilloise, parce qu'il n'y a pas que Roubaix qui est intéressante, évidemment. Moi, ce qui m'a étonné, excuse-moi, je reviens tout en amont de ce que tu viens de dire, comment vous avez posé les questions? Je laisse la parole après à Eric. La question, c'était, alors, on l'a posée tout à la fin du questionnaire, alors je peux essayer de retrouver la formulation, mais l'idée, c'était de poser tout à la fin du questionnaire une question assez classique. Alors c'était deux questions, hein. Une question sur à quelle religion je la relis, hein. Considérez-vous que vous apparteniez à une religion ou à une confession religieuse, et donc là il y avait oui musulman, oui catholique, oui juive, évangéliste, autre religion ou non, à aucune religion. Et après on demandait aux personnes, en ce qui concerne la religion, vous diriez que vous êtes pratiquants, réguliers, occasionnels, ou croyants ou non-croyants. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, on a des personnes qui se déclarent catholiques, mais non-croyantes. Et en fait, c'est quelque chose qui est spécifique pour le coup à la religion catholique. On le retrouve pas chez les personnes de confession musulmane, cette idée de catholicisme qui serait une forme d'attachement à la religion, mais sans croyance religieuse. J'ai bien dans mes amis un catholique qui se dit athée. Eric. Oui, alors en revenant effectivement sur le livre qui a été évoqué au début, là, sur la ville vue d'en bas, donc c'est vrai qu'il y a les discriminations et les parcours qui ont pu vivre les populations immigrées. Mais on a aussi sur les villes, effectivement, et le livre La ville vue d'en bas le dit, des solidarités très fortes. Donc ce rapport au collectif et ce rapport à la gauche, d'une certaine manière aussi, est-ce que là aussi il y a des possibilités de réponse ou... Complètement, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse classique en analyse électorale qui est de dire, en fait, le vote d'extrême droite, c'est un résultat de l'anomie sociale. En gros, l'absence de lien social favoriserait un vote d'extrême droite. Et en fait, on le retrouve un peu à Roubaix. On avait des questions sur les discussions politiques. C'est-à-dire avec qui vous avez discuté de la présidentielle, avec votre famille, et on voit que les personnes qui vont discuter de l'élection présidentielle, en particulier en dehors du cercle familial restreint, sont davantage des électeurs de gauche. Donc on sent ici l'idée d'un impact, en fait, du lien social sur le vote de gauche. Pareil sur les associations. Alors, évidemment, la discussion, le fait de discuter de politique, c'est assez répandu en campagne présidentielle. Par contre, le fait d'être adhérent d'association, ça l'est beaucoup moins. Et on voit que le fait d'être adhérent d'une association chez les électeurs, quel que soit le type d'association, même une association sportive ou de loisirs, on avait un peu différencié les types d'associations, et bien ça va favoriser aussi un vote de gauche et diminuer le vote d'extrême droite. Alors, est-ce que ces personnes, elles sont aussi davantage prédisposées à s'engager dans les associations? On peut le dire, mais une partie d'entre eux aussi appartiennent aux classes populaires. Ou finalement, est-ce qu'on peut pas se dire que le travail qui est mené dans le monde associatif, et puis le travail militant formel et puis informel qu'on mène à chaque élection autour de nous, il a une efficacité. C'est-à-dire que, et du coup, d'où l'intérêt de la discussion politique en période électorale. On avait quelques questions sur les réseaux sociaux. Là, on est plus circonspect parce que, notamment, on avait différencié information et discussion sur les réseaux sociaux. Et on voit que beaucoup d'électeurs s'informent sur les réseaux sociaux, beaucoup, notamment chez les jeunes, s'informent sur les réseaux sociaux, mais en fait, très peu discutent de politique sur les réseaux sociaux. Donc, on peut se demander si les réseaux sociaux ne sont pas un fournisseur d'informations pour des discussions entre amis, des discussions un peu plus physiques, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de discussion virtuelle, et notamment, il y a cette idée que toute la mobilisation électorale serait orchestrée autour de groupes WhatsApp géants. C'est des délires qu'on trouve dans les médias. Il faut quand même relativiser un peu tout cela. Il peut y avoir des discussions qui se font, notamment par les réseaux sociaux, mais elles sont souvent le support de discussions aussi qui se font en présentiel, sans l'intermédiaire du smartphone ou d'Internet. Oui, ça, c'était très net lorsque tu avais fait la conférence le 9 décembre au campus de Moulins. Effectivement, c'était assez nettement démontré cette part fausse plutôt qu'on donne aux réseaux sociaux. Et notamment à Twitter, qui est vraiment le réseau le plus sélectif socialement et politiquement. C'est vraiment les individus les plus politisés. Enfin, ça reste le repère des journalistes et des hommes politiques. Et donc les polémiques sur Twitter, c'est quand même les polémiques dans un petit monde, quoi. Une question de René. Justement, ce qui est spécifique à Roubaix, c'est la solidarité, je vais dire un peu informelle, citée dans La ville vue d'en bas, comme les réparateurs de voitures de rue, les gens qui se groupent pour faire des achats moins chers. Est-ce que ça aussi, ça aurait une influence? Ça a pu avoir une influence sur le vote? Sans doute, parce qu'en fait, c'est en cela que on peut aussi se dire qu'il y a beaucoup de gens qui discutent de politique. En même temps, on avait posé la question, est-ce que vous discutez de politique avec des militants politiques ou des militants d'associations? En fait, très peu de gens. Mais sans doute que les discussions quotidiennes avec ceux qu'on va considérer comme des amis, des voisins, etc., elles vont favoriser à la fois la mobilisation électorale, parce que ça, en fait, c'est un vrai support de mobilisation électorale plus que de conviction. C'est-à-dire que souvent, les discussions politiques, ça ne fait pas changer d'avis les gens. Par contre, ça les fait aller aux urnes. Oui, et... c'est les difficultés du quotidien, en fait, qui... Ouais. D'accord. Il nous reste une minute. Est-ce que tu peux conclure sur ce travail pour nous? Nous, la conclusion qu'on en tire, c'est que on a fait une superbe enquête. Donc, c'est 4300 questionnaires sur les deux tours, et qui nous permettent de déconstruire un peu des idées reçues sur les territoires populaires, pas que sur Roubaix, pour montrer que derrière ces territoires populaires, il y a une diversité électorale, il y a du vote de gauche des classes populaires, et il y a aussi une intersection entre à la fois les variables qui sont liées au travail, la génération, la religion, l'expérience des discriminations, l'expérience migratoire. Tout ça interagit pour produire des votes qui sont différents. Et ça nous permet de déconstruire un peu les idées reçues sur la droitisation, le vote communautaire, etc. C'était ça l'enjeu, je dirais, immédiat de ce type d'enquête. De ce point de vue, c'est vraiment un travail salutaire que vous avez fait là, les camarades du SARAPS. Bien, merci pour ta participation. Merci Tristan d'être venu nous expliquer un peu des choses qui sont assez complexes dans la vie professionnelle, dans la vie civile, je pense aux élections notamment. Bien, merci beaucoup, merci à tous. Et on va faire une pause musicale. Quand on n'a que Zemmour, au fil des premières pages, avec tant de sondages qui nous vendent chaque jour, quand on n'a que Zemmour, présenté comme un choix qui se dit plus gaulois que Le Pen et sa cour, quand on n'a que Zemmour et la France qui l'agresse à travers ses promesses, la haine de ses discours. Quand on n'a que Zemmour, l'humanisme est en deuil, le fascisme en fauteuil dans les villes et les bourgs. Quand on n'a que Zemmour, que les médias en font impossible horizon, impossible recours. Quand on voit que Zemmour, se croyant très malin, jouant une arme à la main, met en joue au secours. Quand on n'a que Zemmour pour tracer les frontières, les murs d'avant-hier, apôtre des retours. Quand on n'a que Zemmour en mode ayatollah, de Marine en Silla, on tombe tous les jours. Quand on n'a que Zemmour dessinant un chemin sur les traces de Pétain qui conduisent droit dans le four. Quand on n'a que Zemmour distillant ses poisons, on devine les canons et le son des tambours. Maintenant, en citoyen, je ne veux plus vous le chanter, sur Zemmour, plus de refrain, trop dur à digérer. C'était quand on n'a que Zemmour, je ne vous dis pas la musique de qui c'est. C'était, comment s'appelle-t-il cet homme? C'est pas là, c'est pas sur ce papier-là, c'est sur celui-ci. Il s'appelle Clément Perrier, c'était, vous avez reconnu, une goguette. C'est l'heure d'attaque, des actualités d'attaque, et c'est, je ne sais pas qui commence, Didier ou René. C'est René. Je vais commencer au plan national d'abord. Taxation des multinationales, un accord soi-disant historique adopté par l'UE. Lundi 12 décembre, les 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour transposer l'accord mondial négocié en octobre 2021 sous l'égide de l'OCDE. Cet accord prévoit notamment un taux minimal d'imposition des bénéfices des multinationales de 15%. Présenté comme historique par ses promoteurs, il est en réalité historiquement insuffisant tant les mesures qu'il prévoit sont limitées. Par exemple, le taux plancher est si bas qu'il risque d'entériner une taxation plus faible pour les multinationales que pour les PME et pourrait par ailleurs entraîner une course à la baisse des taux. Les recettes fiscales dégagées seraient largement insuffisantes pour répondre aux défis mondiaux, sociaux, écologiques et économiques. À ceci, il faut ajouter bien sûr la faiblesse actuelle de l'impôt sur les sociétés et l'ampleur de l'évitement de l'impôt. Pour ATTAC, il faut désormais tenir compte de la réalité du modèle économique des grands groupes et adapter l'impôt sur les sociétés en conséquence. La taxation unitaire et le renforcement des moyens juridiques, humains et matériels alloués à la lutte contre l'évasion fiscale constitueraient une réponse adaptée. Ainsi, bien sûr, qu'une politique fiscale et budgétaire qui privilégie la bifurcation sociale et écologique. On n'en est pas là, apparemment. Hein. Ah non. Alors, le 18 décembre 2022, donc c'est demain, je vous apprends rien, donc Journée internationale des migrants contre Darmanin et son monde. aux côtés de nombreuses organisations et collectifs, ATTAC appelle à une journée nationale de manifestation sur tout le territoire à l'occasion de la Journée internationale des migrants, le dimanche 18 décembre. Le monde aujourd'hui incarné par Darmanin chasse, agresse, tue, expulse, discrimine, surexploite et divise sur la base de l'origine. Rien que ça, ça pourrait nous valoir un procès. La couleur de peau, la nationalité et la religion. Ce monde qui brise les solidarités détruit aussi la planète, développe toutes les inégalités et s'attaque à tous nos droits. Donc dans le monde incarné par Darmanin, l'étranger, l'étrangère est le problème, l'ennemi. Mais nous sommes des millions d'étrangers et d'étrangères au monde. Il n'y a pas d'étrangers sur Terre ou variante, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Donc nous disons que si nous ne ripostons pas quand c'est l'un ou l'une de nous qui est discriminé, humilié, réprimé ou exploité, ce sont toutes nos luttes qui sont affaiblies. Ensemble, devenons le problème de Darmanin. Notre monde s'appelle solidarité. Nous appelons donc à nous mobiliser partout ensemble ce dimanche 18 décembre et à inscrire nos revendications dans toutes les luttes. Rendez-vous donc à Lille, place de la République, à 14h. Les retraites maintenant. Une réforme plus juste pour les femmes. Est-ce vraiment le cas ? Après avoir proposé en 2019 un système de retraite unique par points, présenté au nom de l'équité, en refusant catégoriquement toute modification de l'âge de départ, le président Macron soutient maintenant un recul de l'âge légal à 65 ans. Bref, selon lui, il faut à la fois améliorer notre système parce qu'il est injuste et le redresser puisqu'il est en déficit. On ne reviendra pas sur la question du déficit, déjà largement assez démonté par ailleurs, pour commenter simplement ici la question des retraites des femmes. L'injustice majeure que constituent les inégalités de pension entre les femmes et les hommes n'est pas du tout prise en compte dans ce projet de réforme, alors même qu'elles augmenteront très certainement avec les mesures de recul de l'âge et ou l'allongement de la durée de cotisation. La pauvreté de nombreux et surtout nombreuses retraités ne semble pas concerner nos dirigeants. Donc appel à don, ATTAC a besoin de vous, donc c'est la saison des cadeaux et des étrennes, comme chacun sait. Donc en cette fin d'année 2022, la mobilisation pour la justice sociale et climatique est plus que jamais d'actualité. ATTAC n'a pas les milliards des géants de la finance ou des multinationales pour mener ses actions et développer ses analyses. C'est pourquoi nous faisons appel à votre soutien. 90% du budget d'ATTAC est assuré par vos dons et adhésions. Donc faire un don à ATTAC, c'est garantir son indépendance et permettre de financer ses activités. Ce soutien permettra d'assurer l'équilibre budgétaire. En vous remerciant par avance pour votre soutien, nous vous engageons auprès de vous à porter haut et fort un autre monde possible, solidaire, féministe, écologique et démocratique. Donc pour un paiement en ligne, voir les modalités sur le site d'Attaque France ou par chèque à l'adresse postale d'Attaque au 21 Terre rue Voltaire à Paris dans le 11e. Oui. Au plan local maintenant, vendredi 25 novembre, manifestation contre le Black Friday et contre Amazon. Nous étions une douzaine de militants environ à interpeller les passants à proximité de Ralil. Certains et certaines manifestaient de l'intérêt pour notre action. Nous avons ensuite rendu visite au locker d'Amazon situé en centre-ville. Occasion de réaliser quelques photos de groupe à diffuser sur les réseaux sociaux. La gratuité des transports, une idée payante. C'était le titre du livre de l'Observatoire des villes du transport gratuit. C'est aussi le titre d'une réunion publique avec deux membres de cet observatoire. Une soirée organisée par Attaque Roubaix Tourcoing, la FAL, le comité de quartier de Moulins-Poténerie et l'association du quartier de la Justice. Ok, merci les amis. Encore deux mots sur nous, Attaque, avant de passer à l'agenda militant qui est très court. Nous allons vous proposer un beau menu pour la rentrée, puisque en janvier, donc je crois que c'est le 21 janvier, mais ce sera avec Thomas Dallery, qui est de l'Université du Littoral, qui va nous parler de l'inflation. Donc, m'étonnerait qu'il n'y ait plus d'inflation d'ici janvier. Donc, ce sera vraiment d'actualité. Ensuite, nous aurons en février un spécialiste de l'eau, qui est d'ailleurs l'animateur du collectif Eau à Lille, Pierre-Yves Pira, avec peut-être le contact est fait avec Ludovic, une journaliste de, tu peux dire le nom, non? Brianne Cousin. Brianne Cousin, donc, de Médiacité. voilà. Ensuite, nous allons passer donc en mois de mars, et après on verra, au mois de mars, on aura le travail important qu'a fait Laurent Cordonnier, merci, sur les dons aux entreprises privées, et pas les plus petites d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, avec un travail important qui a été fait pour la CGT, donc dans le cadre de l'Institut de recherche en économie et en sociologie de Paris. Donc ça, ce sera jusque mars. Peut-être effectivement qu'on pourra faire quelque chose du côté de la mort, en fait, en avril, puisque sera terminée donc la consultation de Macron sur la fin de vie. Et donc, on aura la déléguée ici, et certainement sa co-déléguée, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et qui parlera des résultats de cette convention et ce qu'on peut en faire localement. Voilà. Donc, vous avez un quadrimestre complet. Vous pouvez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Non, j'ai pas fini. On a un agenda militant, je le rappelle. Donc, ce samedi 17 décembre aura lieu la journée mondiale contre les violences faites aux travailleuses du sexe, aux travailleurs, aux travailleuses du sexe. Rassemblement à 17h, place de la République, donc cet après-midi. Dimanche 18, je ne reviens pas sur la journée internationale des migrants dont nous a parlé Didier. Et dimanche 18 décembre, Vérolution, Nord-Ouest Lille, fait sa parade de Perrenchy à Lambersart. Hashtag 2, rendez-vous place de Perrenchy à 15h, départ 15h15. N'oubliez pas vos bicyclettes équipées d'éclairage, vos bonnets, vos doudoutes, vos gants, nota bene, me dit-on, sur Démosphère. L'allure de la balade familiale est possible pour les petits. Évidemment, on quitte la parade quand on veut. Plus de détails sur lille.demosphère.net. C'était le calendrier du jour et de la semaine. Bien, on va vous passer une chanson pour terminer l'année. Portez-vous bien. Bonne fin d'année, en fait, si ça se trouve. On se retrouve donc le 21 janvier, je l'ai dit, et ça va commencer fort. Merci. On va finir fort aussi. Si l'appareil veut bien se mettre en route. Salut à tous. Avanti popolo.